Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 4, colonne 4. Lowell, Massachusetts. Edwin W. Morey, commis depuis plusieurs mois à la pharmacie McGibbon, coin des rues Suffolk et Market, est mort dimanche matin des effets d'une drogue quelconque qui s'était administrée la veille vers 10h du soir. On ne sait pas s'il a pris cette drogue par accident ou dans le but de se suicider, mais on penche pour cette dernière alternative. Il avait des habitudes d'intempérance et l'air d'être abattu depuis quelques jours. Son camarade s'étant absenté quelques minutes, il trouva en rentrant Morey couché sur le plancher, sans connaissance et respirant avec force. Les médecins lui ont administré des antidotes, mais sans succès. On suppose que le poison absorbé était de l'opium. Le défunt avait pris son état à Taunton et a tenu pendant quelque temps une pharmacie pour son compte à Boston. Il a une femme et un enfant qui, suppose-t-on, demeurent à Boston. Fred Flood, âgé d'environ 10 ans, fils de H.F. Flood, s'est noyé dans la rivière Concorde vers 3 heures samedi après-midi. Lowell est sur le point d'avoir un parc public. Messieurs A.W. Hoyt, F.B. Shedd, E.A. Smith et T.R. Garrity viennent d'acheter la ferme Rogers, une grande bande de terrain s'étendant jusqu'à la ligne de Tewksbury, et ont désigné la partie connue sous le nom de Fort Hill pour l'usage libre du public. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Share Alike, et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.